بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on est arrivé au dernier cours, on a commencé la notre partie dans le livre au sujet de la aqidah de l'imam al-Sabuni rahimahullah, qui s'intitule Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Et donc c'est l'imam, son nom, on avait dit, c'est Abu, sa kunya c'est Abu Uthman. Et son nom c'est Ismail ibn Abdurrahman al-Sabuni. Pourquoi je spécifie ça? Parce que dernièrement, il y a un autre. Il y a un qui est décédé dernièrement, là. Qui s'appelle, son nom de famille c'est al-Sabuni lui aussi. Sauf que c'est pas quelqu'un qui était sur la aqidah salafia. Son nom c'est Muhammad Ali al-Sabuni. Et c'est un soufi ash'ari. Donc il ne faut pas confondre. Celui-ci, Muhammad Ali Sabouni, c'est un contemporain. Et il est ash'ari dans sa aqidah. Donc il est sur la aqidah des gens de bid'ah. Tandis que l'imam al-Sabouni, Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman, ça c'est l'imam, le grand imam qu'on appelle l'imam al-Sabuni, rahimahullah, qui était sur la aqidah des salafs. Donc il ne faut pas confondre. Naam. Ici ensuite, le shaykh il explique ici, il dit, on est en train de lire maintenant « Mawqif al-Salaf min hadihi al-akhbar », c'est-à-dire la position des salafs au sujet de ces différentes narrations qu'on a lues au sujet des attributs d'Allah. Et on a lu au dernier cours plusieurs des explications des ulama, et on lisait en dernier la position de Omar ibn al-Khattab, comment il a traité Sabir ibn Usl, celui qui posait extrêmement énormément de questions inutiles, hein, ou bien peu bénéfiques, et comment il a été puni justement par Omar ibn al-Khattab à cause de ça, et comment ce traitement de la part de Omar ibn al-Khattab a été justement dans le but d'éviter quelque chose de plus grave dans les innovations. Parce qu'à l'époque des salafs, en particulier l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époque de Abu Bakr et l'époque de Omar, il n'y avait pas de grande bid'a, il n'y avait pas de bid'a qui apparaissait ou qui était apparue. Et aussitôt qu'une bid'a apparaissait, même si c'était tout petit, même si c'était quelque chose qui pouvait sembler de pas si grave que ça, eh bien, eux, ils prenaient ça très au sérieux et ils jouaient pas avec ça. Et c'est pour cette raison que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a fait emprisonner Sabir ibn Usl plusieurs jours, et puis après, il l'a frappé pendant 3 jours ou plusieurs jours jusqu'à ce que il réalise qu'il était dans l'erreur et il l'a par la suite exilé. Il l'a exilé et il a interdit à quiconque de lui parler et de l'approcher ou de lui adresser la parole. Et ce qui fait que par la suite, il est devenu parmi les ulama. Pourquoi? Parce qu'il s'est concentré sur ce qui était vraiment utile et bénéfique. Et il a laissé de côté les choses moins importantes jusqu'à ce qu'il devienne un d'entre les shuyukh. Ensuite, l'imam al-Sabuni, il dit « Wa akhbarana » Abu Abdurrahman Muhammad ibn al-Husayn ibn Musa al-Salmi al-Sulami. أخبرنا محمد ibn محمود الفقيه المروزي بها. وحدثنا محمد ibn عمير الرازي. حدثنا أبو زكريا يحيى ibn أيوب العلاف التجيبي بمصر. حدثنا يونس ibn عبد الأعلى. حدثنا أشهب ibn عبد العزيز. سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله ما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. Donc ici cette narration, c'est une narration qui est rapportée de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah. Il dit, prenez garde aux innovations. Prenez garde aux innovations. Non. Donc l'imam Malik a dit qu'il a dit prenez garde aux innovations. Et on lui a dit mais quelles sont les innovations? Il a dit ce sont les gens d'innovation, les gens de bid'a qui parlent à propos d'Allah, de ses noms et de ses attributs, et de sa parole et de sa science et de sa puissance, et qui ne se taisent pas de ce sur quoi les sahaba et les tabi'un se sont tus. Hein? C'est-à-dire, ils disent hein, à propos des noms et des attributs d'Allah des choses que les sahaba et les tabi'un n'ont pas dit. Allah al-musta'an. Après le cheikh il dit wa akhbarana Abu al-Hussein Ahmad ibn Muhammad ibn Omar al-Zahid al-Khaffaf akhbarana Abu Nu'aym Abd al-Malik ibn Muhammad ibn Abd al-Faqih haddathana al-Rabi' ibn Sulayman sami'tu al-Shafi'i rahimahullah yaqul la an yalqa Allah al-'abd bi kulli dhanbin ma khala al-shirk ahabbu ilayya min an yalqahu bi shay'in min al-ahwa. Cette parole elle est extrêmement forte et l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad et tous ces imams d'Ahl Sunnah, quand ils parlent de la Sunna, ils disent des paroles tellement puissantes, tellement fortes que n'importe qui réfléchit, qui pense à ces paroles-là, il réalise la gravité de la bid'a et de l'égarement et il demande à Allah la protection. Parce que l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est préférable pour le serviteur qu'il rencontre Allah, ou bien plutôt si le serviteur rencontrait Allah avec tous les péchés, excepté le shirk, ce serait meilleur pour moi, ou je préférerais cela, que de le voir rencontrer Allah avec une d'entre ses passions, une d'entre ses bid'ahs. Parce que les passions, les bid'a, on les appelle les passions en arabe. Al-ahwa, le pluriel du mot hawa, qui veut dire la passion. Parce que la bid'a est basée sur la passion. Parce que, pourquoi on l'appelle passion? Parce qu'elle n'est pas basée sur les preuves. Elle n'est pas basée sur des preuves et des évidences tirées du Coran et de la Sunna et de l'Ijma'. Donc, c'est basé sur quoi? Sur les désirs, sur les passions. Et ça, c'est ce qui est causé par l'aveuglement et par le suivi de nos désirs et de nos passions. C'est pour ça qu'on les appelle, les bid'a, on les appelle les passions. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici l'imam Shafi'i? C'est mieux qu'un serviteur rencontre Allah avec tous les péchés, même s'il fait des kaba'ir. Mais même, il y a des salafs qui ont dit ça. Il dit, je préfère, il y a un d'entre les salafs, on lui a dit que son fils était sorti de la maison d'un des Moubtadi'a. Alors, il a dit, je préférerais te voir de sortir des maisons où il y a des péchés que de te voir sortir de la maison de yani, ces gens de bid'a, qui nient le qadar, qui nient les attributs d'Allah, qui parlent à propos de la religion des choses de kofre, qui risquent même de te faire tomber dans la mécréance. Et ça, c'est beaucoup plus grave hein, que de tomber dans un péché quelconque que tu reconnais comme étant un péché et duquel tu peux te repentir. Tandis qu'une bid'a comme cette bid'a-là, hein, de nier les noms d'Allah et ses attributs et de parler sur le qadar sans science, en niant le qadar, hein, ça risque de te faire tomber dans le coffre. Et c'est pour ça que les salafs, ils trouvaient ça très très grave. Plus grave que les péchés. Pourtant, aujourd'hui, tu vois les hezbiyins, les gens de bid'a, sur quoi ils se concentrent pour montrer leur colère quand ils voient des péchés. C'est des péchés seulement qu'ils considèrent ou qu'ils prennent en considération. Un tel, il a fait ci, un tel, il a fait ça. Ça, c'est haram, ça, c'est haram. On ne veut pas dire que de faire des choses haram, c'est pas grave. Ou que de faire des kaba'ir, c'est pas grave. On veut pas dénigrer ou diminuer la gravité des péchés. Mais lorsqu'on prend les choses en perspective et qu'on fait des comparaisons, on constate que la bid'a est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus grave que le péché. C'est pour cette raison-là qu'il faut mettre les choses sur la balance. Peut-être que quelqu'un, par exemple, tu le vois en train de faire un péché quelconque, Mais il est sur la sunna. Qu'est-ce que ça veut dire, il est sur la sunna? Ça veut dire que ce qu'il fait n'est pas une innovation. Il n'a rien inventé ou rajouté dans la religion, sauf qu'il commet un péché. Tandis que l'autre, peut-être qu'il ne commet pas de péché, mais sa compréhension de l'islam est basée sur un égarement, est basée sur une fausse compréhension. Il ajoute dans l'islam ce qui n'en fait pas partie. Hein? Peut-être que, par exemple, il fait le takfir des musulmans. Il fait le takfir des musulmans parce qu'il voit des musulmans qui commettent des péchés et il fait le takfir des musulmans à cause de ces péchés-là. Il les considère mécréants à cause de ça. Ça, c'est une bid'a. Hein? Donc, peut-être que tu ne le vois pas faire un péché en apparence, mais ce péché-là, il est beaucoup plus grave parce que c'est une bid'a. Et cette bid'a, elle a des conséquences. Parce que parmi les conséquences de cette bid'a, il y a les rébellions, les révoltes, les coups d'État, et tout ce qui en découle, et les guerres civiles, hein, parce que c'est Khawarij, par la suite, ils prennent les armes, et ils tuent, ils font couler le sang des musulmans. Donc ça, c'est beaucoup plus dangereux. Hein, de même que ceux qui font, par exemple, peut-être pas un péché, ils font pas, peut-être pas un péché apparent, ou visible, mais ils font la bid'a de nier les attributs d'Allah, de nier le qadar, hein, ou de faire toutes sortes d'autres bid'a innovées et de rajouter des choses dans la croyance ou dans la pratique, ce qui est un grand danger pour le musulman. Donc il faut faire attention à ça. Wa akhbarani Abu Tahir Muhammad ibn al-Fadl haddathana Abu Amr al-Hayri حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. Donc ça c'est quelqu'un qui a posé la question à Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, c'était le khalifa de l'époque et c'était en même temps un homme parmi les salafs qui côtoyait les ulama et qui était proche d'eux. Et on lui a posé la question à propos des innovations. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, reste sur la religion de l'enfant dans l'école coranique, de même que le bédouin. C'est-à-dire, reste sur la fitra, reste sur la religion de la fitra. Ne rentre pas dans les trucs de la philosophie ou commencer à philosopher avec la religion. Hein? Détourne-toi de cela. Hein? Et un autre exemple ici, Akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh, Haddathana Muhammad ibn Yazid, Sami'tu Aba Yahya al-Bazar, Yaqul, Sami'tu al-Abbas ibn Hamza, Yaqul, سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت سفيان ابن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. Donc ici c'est une autre narration rapportée d'un des imams parmi les imams des salaf de l'époque et c'est l'imam Sufyan ibn عيينة. Sufyan ibn عيينة, un des grands parmi les savants de l'islam parmi les salaf. Il était à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah, et il est l'équivalent de Malik à Mecca. Il était l'équivalent de Malik à Mecca. C'était le mufti de Mecca à l'époque de l'imam Malik. Malik, c'était le mufti de Médine. Et Sufyan ibn Uyayna, c'était le mufti de Mecca. Parmi les ulama de hadith et de la sunna. Et il dit dans cette narration, toute personne, ou bien plutôt, tout ce par quoi Allah s'est défini lui-même, ou s'est décrit lui-même dans son livre, alors son interprétation, c'est en le récitant. C'est-à-dire en récitant ce verset, c'est ça son interprétation. Tafsiruhu tilawatuhu. Tu veux comprendre sa signification? Tu veux savoir son tafsir? Le tafsir des noms et des attributs d'Allah? Eh bien, récite le verset. Et c'est ça le tafsir. Et il dit « wassokoto anhu » et de se taire à son sujet, c'est-à-dire de ne pas nier les attributs, de ne pas déformer le sens des attributs, et ainsi de suite. « Akhbarana Abu al-Hasan al-Khaffaf, حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. Donc ici il y a une narration, on dit que Al-Walid ibn Muslim, il a posé la question à plusieurs imams. L'imam Al-Awza'i, Fisham. L'imam Al-Awza'i, c'était l'imam de la région de la Palestine, la Syrie. Toute cette région, on l'appelle en arabe Al-Sham. Donc l'imam, à cette époque-là, dans cette région, c'était l'imam Al-Awza'i. En même temps que l'imam Malik, qui était à Médine, et Soufiane, qui était à Mecca. C'était les trois grands imams. Dans chaque ville des pays musulmans, il y avait un grand imam qui était le mufti, et tous les musulmans revenaient à ces imams-là dans chaque ville. Donc si t'es à Mecca, tu retournes à qui? C'est qui l'imam? C'était l'imam Soufiane ibn Uyayna. À Médine, l'imam Malik. Et même, c'est une parole célèbre qu'on dit « La yufti ahadun » Fil Madina ou l'imam Malik Mawjoud. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire de fatwa à Médine quand l'imam Malik est là. Les gens, ils reviennent à l'imam Malik. Et à Fisham, c'était qui l'imam? C'était l'imam Al-Awza'i. Et Al-Basra, c'était qui l'imam dans la région de Al-Basra en Irak? C'était l'imam Soufiane Al-Thawri. Et en Égypte, c'était l'imam Al-Layth ibn Sa'd. Dans chaque région, il y avait des grands imams comme ça. Et pourtant, il y avait plein des milliers de ulama qui vivaient à cette époque-là. Beaucoup plus de ulama qu'à notre époque aujourd'hui. Mais c'est vers qui on retournait pour les grandes questions et pour les sujets de ce genre-là. On retournait aux grands imams, ces imams-là. Dans chaque ville, il y avait un grand imam comme ça. Et aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à cette situation lorsque les gens, on leur dit, retourne à Cheikh Al-Fawzan, retourne à Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin. À l'époque, on disait ça. Et les gens disaient, mais vous avez que trois ulama. C'est pas qu'il y a que trois parmi les ulama. Il y a beaucoup de ulama, il y a beaucoup de shuyukh. Mais de ce calibre et de ce degré, dans la science, les imams, à notre époque, c'était eux. Et aujourd'hui, il y a d'autres imams. Et ces imams-là, comme le Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabir, Cheikh Ubaid, et d'autres ulama encore, eh bien, ceux-là, c'est les sommets de la science parmi les savants de l'islam. Et c'est quand il y a des grands sujets, des grandes questions, des grands problèmes dans la Ummah, c'est vers ceux-là qu'on retourne pour avoir des clarifications et des explications et des compréhensions. Donc l'imam Al-Awza'i, l'imam Soufiane Al-Thawri, l'imam Malik, on leur a posé les questions à propos des hadiths sur les attributs d'Allah et sur le fait des croyants qui vont voir Allah au jour de la résurrection. Ça, c'est une question qui est traitée dans les questions de Aqida, de la croyance. Donc ils ont posé la question, qu'est-ce qu'ils ont dit ces quatre imams ou ces trois imams qui sont mentionnés dans cette narration à propos de ces hadiths-là? Ils ont dit « Amirruha kama ja'at ». Ça, c'est une réponse célèbre des salafs. Ça fait même partie des fondements de la aqida pour comprendre les noms et les attributs d'Allah. « Amirruha kama ja'at bila kayf ». C'est-à-dire, passer sur ces versets-là comme ils sont venus. Tu ne vas pas les déformer, tu ne vas pas essayer de les changer leur sens. Prends-les tels qu'ils sont dans le verset. Ar-Rahman ala l'arsh istawa, Ar-Rahman ala l'arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Le tout miséricordieux, ça veut dire il s'est élevé sur le trône. Bila kayf, tu ne cherches pas à comprendre le comment. Comment il s'est élevé sur le trône? Tu ne vas pas philosopher avec ça. Tu ne rentres pas dans la philosophie avec ça. Tu ne vas pas parler d'Allah comme on parle des créatures. On n'a pas le droit de comparer Allah à la création. Tu dis, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. » Il n'y a rien qui lui ressemble. Il est l'audient et le voyant. Donc tu l'affirmes et tu nies la ressemblance. Après, il dit, « Wa an ba'd as-salaf. » قدم الإسلام يعني قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. Et des certains parmi les salafs, ils ont dit قدم الإسلام, le pied de l'islam, لا يثبت, il ne va pas être ferme, إلا على قنطرة التسليم, excepté sur la montagne de la soumission, le fait de se soumettre et d'accepter. C'est-à-dire que l'islam, il est basé sur la soumission. Et si ton islam, il n'est pas basé sur la soumission, il ne va pas être ferme, ton islam. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu leur dis quelque chose, tu leur apprends des choses de la religion, ils refusent de se soumettre et d'accepter ce que Allah a ordonné. Plutôt, ils veulent rentrer dans la philosophie, commencer à débattre chaque sujet et chaque question. Et rentrer dans des débats sur des questions de la croyance ou sur le raïb. Des choses de l'invisible, les choses qui ont rapport avec la prédestination. Et ils veulent montrer leur... Ils se pensent intelligents, alors ils veulent rentrer dans ces discussions-là. C'est ça les philosophes. C'est ça qu'ils font. Est-ce que l'être humain est libre? Est-ce qu'il n'est pas libre? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et là, ils commencent à philosopher. Comme les koufars, Platon, Aristote, et d'autres encore. Eh bien, ces discussions-là, la même chose aujourd'hui, avec des philosophes, Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau, je ne sais pas qui d'autre, ils montrent ces discussions-là, ils parlent de ces sujets-là sans science, sans révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran. « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ » Il y a des gens qui disputent à propos d'Allah sans livre, sans guidance, sans science, sans guidance, et sans livre illuminé et éclairé. Ensuite, il dit, « Wa akhbarana Abu Tahir ibn Khuzaymah, haddathana al-jiddiyu al-imam, haddathana Ahmad ibn Nasr, haddathana Abu Ya'qub al-Hayni, al-Hunayni, haddathana Kathir ibn Abdillah al-Muzani, an abihi, an jaddihi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna hadha ad-din بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. Donc ici c'est une narration qui a été rapportée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion elle a débuté étrange. Et elle va redevenir étrange comme elle a débuté. Alors annoncez la bonne nouvelle du paradis aux étrangers. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, qui sont les étrangers? Il a dit, ce sont ceux qui font revivre ma sunna après moi et qui l'enseignent aux serviteurs d'Allah. Ensuite il dit, wa akhbarana Abu Abdillah al-Hafiz qal sami'tu Abu al-Hasan al-Karizi يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام un autre imam aussi parmi les imams القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. Donc القاسم بن سلام, أبو القاسم بن سلام, un des grands imams parmi les salaf, il disait, celui qui suit la sunna, il est comparable à celui qui se cramponne à, ou qui tient avec force, qui ferme son poing sur une braise de charbon ardent. Quand le charbon il est rouge, tu le prends dans ta main, tu serres de ton poing dessus. Il dit, celui qui s'accroche à la sunna et qui suit la sunna, il est comparable à celui-là aujourd'hui. Pour moi. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça dans un hadith. Il va venir une époque où celui qui yani, s'accroche à la religion, il va être comparable à celui qui ferme sa main sur, une braise de charbon ardent. Et il dit, et cela est mieux pour moi, que, je considère ça meilleur encore que de frapper avec l'épée dans le sentier d'Allah. Donc il considérait le fait de s'accrocher à la sunna et de suivre la sunna meilleur encore que de faire le jihad fi sabilillah. Il dit ensuite, wa ruya an al-a'mash an abi ad-duha an masruq قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Donc ici, le cheikh il a mentionné cette narration de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsque il a dit aux gens, ô vous les gens, lorsque vous savez quelque chose, dites-le. Et lorsque vous ne savez pas quelque chose, dites Allahu a'lam. Allah sait mieux. Parce que de dire Allahu a'lam, ça fait partie de la science. De dire Allahu a'lam, que Allah sait mieux, ça fait partie de la science pour celui qui ne sait pas. Comme il dit, et Allah Azza wa Jal a dit à son messager, yani qala li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, وقل دي أو محمد ما أسألكم عليه من أجر يعني je ne vous demande pas de récompense. Non, c'est ça. Donc dis au Mohammed, je ne vous demande pas de récompense pour qu'est-ce que je vous enseigne de la révélation. Je ne vous demande pas un salaire pour ça. Hein? Et Cheikh Saadi, il dit, وما أنا من المتكلفين يعني أدعي أمرا ليس لي وأوقف ما ليس لي به علم ولا أتبع إلا ما يوحى إلي. Donc, وما أنا من المتكلفين, la traduction de ce mot dans le Coran, المتكلفين, c'est-à-dire je ne suis pas du nombre des imposteurs. Hein, sauf que dans le tafsir, Cheikh Saadi, il explique, il dit, c'est-à-dire, je ne prétends pas quelque chose que je n'ai pas. Ou je ne dis pas quelque chose que je ne sais pas. D'accord? Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Donc, c'est ça que ça signifie quand il dit, wa ma ana min al-mutakallifin, c'est-à-dire, je ne suis pas de ceux qui prétendent savoir ce qu'ils ne savent pas, ou qui parlent sans science, ou qui disent ce qu'ils ne savent pas. Et même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui posait une question sur la religion, à propos de quelque chose, et qu'il n'avait pas la réponse, il attendait la révélation avant de répondre. Hein? Et c'est arrivé à plusieurs occasions, dans les hadiths, où quelqu'un venait lui poser une question sur un sujet, et qu'il n'avait pas encore la réponse, il attendait la révélation d'Allah. Et lorsqu'il recevait la révélation, il a dit, allez chercher telle personne qui m'a posé la question sur tel sujet. Et là, on le ramenait et là, il lui donnait la réponse. Hein? Donc, tout ça pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'est le messager d'Allah, il ne parle pas sans la révélation et sans se référer à la révélation. Donc, qui sommes-nous pour oser nous parler de la religion sans se référer à la révélation et sans avoir de preuves? Hein? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sans preuve, alors nous encore moins. Hein? Et ensuite, le cheikh il dit, wa akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz, haddathana Abu al-Abbas al-Mu'aqli, haddathana Ahmad ibn Abd al-Jabbar al-Attaridi, haddathani Abu Abd al-Rahman al-Dibbi, an al-Qasim ibn Urwa, عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لا تنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة فقلت لتعجبي فقال ومما تعجب قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك وما نفى من شعرك قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتي وجنبتي أو وجن وجن وجن وجنتي أو وجن على وجنتي وقد سالت حدقتي على وجنتي وسال مخرايا في فمي صديدا يعني كنت لي أشد نكرة سبحان الله j'ai jamais entendu une réponse aussi incroyable la ilaha illallah donc ici il y a une narration subhanallah de Omar ibn Abdul Aziz, quelqu'un qui est rentré pour aller le voir, et c'était le khalifa à l'époque. Hein. Mais il est rentré, il l'a regardé d'une façon, sévère. Alors il a dit, Omar ibn Abdul Aziz, il dit, tu me regardes aujourd'hui d'une façon de laquelle tu ne me regardais pas quand j'étais à Médine à l'époque. Il a dit, parce que je suis étonné. Il a dit, mais de quoi tu es étonné? Il a dit, de tout ce qui a changé de ta couleur, de ta peau et de ton corps et de tes cheveux, hein, la couleur de tes cheveux qui sont tombés, ou bien plutôt le fait que peut-être il a perdu des cheveux aussi. Non, parce qu'il a vieilli. Hein? Alors il dit, et qu'est-ce que tu dirais si tu me vois après trois jours ou trois mois que je suis dans la terre après ma mort et que j'ai commencé à me décomposer? Tu vas dire quoi à ce moment-là? Non, mais c'est vrai. Parce que tout le monde vieillit, tout le monde change, hein, avec le temps. Et donc, quand on voit quelqu'un, là, quand on ne l'a pas vu depuis longtemps, puis qu'on le voit, puis qu'il a vieilli beaucoup, on est étonné. Mais qu'est-ce qu'on dirait en quoi si on le voit dans sa tombe, après quelques mois ou quelques jours même? C'est encore pire. Après il dit وحدثني حديثا كنت حدثتنيه حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن مسعود قال قلت حدثني عبد الله بن عباس حدثني عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق مما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه أمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. Donc ça, c'est toute une narration qui est assez longue. Après avoir dit ça, il lui a dit, donne-moi une narration, la narration du hadith que tu m'avais mentionné, rapporté par Abdullah ibn Abbas. Il a dit, oui, Abdullah ibn Abbas, il m'avait rapporté une parole qu'il a rapportée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah. Et ici, il n'y a pas le tahrij, malheureusement, dans cette édition-là des hadiths. J'ai une autre édition à la maison avec le tahrij des hadiths. Ici, il y a le tahrij seulement des hadiths de Al-Bukhari et Muslim. Mais sinon, il n'y a pas le tahrij des autres narrations. À la kulli hal. Dans cette narration attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que dans chaque chose, il y a une noblesse ou une honneur. Et la plus noble des assemblées, c'est celle qui fait face à la Qibla. Il dit, ne priez pas derrière la personne qui dort, ni celle qui est en état d'impureté. Et il dit, et tuez le serpent et le scorpion, même lorsque vous êtes dans la prière. Et il dit, voilà tastaru al-judur, donc ne recouvrez pas les murs d'un tissu. Ne mettez pas les tissus sur les murs. Et il dit, et quiconque regarde dans le livre de son frère sans sa permission, c'est comme s'il regardait du feu. Il dit, voulez-vous que je vous informe des pires d'entre vous? Ils ont dit, certes, au messager d'Allah. Il a dit, c'est celui qui fouette son esclave. Je pense rifdahu, Allahu alam, ça veut dire il empêche de, il refuse de prendre un compagnon avec lui sur sa monture et il monte seul ou bien il descend seul. Et il dit, voulez-vous que je vous informe de celui qui est pire que cela, celui qui déteste les gens et que les gens le détestent. Voulez-vous que je vous informe du pire, de quelqu'un pire que cela? Il a dit, c'est celui la yuqilu athra. Je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça signifie. Il dit, wala yaqbalu ma'zira, c'est-à-dire il n'accepte pas d'excuses et il ne pardonne pas un péché ou une faute. Et il dit, voulez-vous que je vous informe de celui qui est pire que cela? Il a dit, celui dont on n'espère pas le bien et dont on n'est pas en sécurité de son mal. Et il dit, et celui qui veut être la personne la plus forte, qu'elle mette sa confiance en Allah. Et celui qui aimerait être la personne la plus riche, alors qu'elle ait plus confiance qu'elle ait confiance plus en ce qui est dans la main d'Allah que de ce qui est en sa propre main, qu'elle ait plus confiance en ce qui est en la main d'Allah que ce qui est en la main des gens ou des autres personnes. Et il dit, et quiconque aimerait être la personne la plus noble, alors qu'elle se préserve d'Allah. Et il dit, et Isa, alayhi salam, il s'est levé dans son peuple et il a dit, ô fils d'Israël, ne parlez pas de la sagesse auprès des ignorants, parce qu'ils vont lui faire injustice. Et n'empêchez pas la sagesse aux gens de la sagesse, car vous allez leur faire une injustice. Et ne faites pas d'injustice. Et rendez, ne rendez pas l'injustice à celui qui l'a fait, parce que vous allez perdre votre mérite auprès de votre Seigneur. Et il a dit, il y a trois affaires à respecter. Il y a une chose qui est claire, c'est-à-dire une chose dont la rectitude est claire, alors suivez-la. Et il y a une autre dont la déviation est claire, alors écartez-vous-en. Et il y a une chose sur laquelle il y a divergence, alors remettez-vous-en à Allah, à son sujet. Donc ce qui est clair, suivez-le. Ce qui est clair dans la droiture, suivez-le. Ce qui est clair dans l'égarement, écartez-vous-en. Et s'il y a des choses sur lesquelles il y a des divergences ou des choses qui ne sont pas claires, remettez-vous-en à Allah, à son sujet. Donc ça, c'est la fin de cette section qu'on a lue. Et le cheikh, il n'a pas fait d'explication ou de commentaire sur cette partie-là dans le livre. Donc, on passe directement... Attendez, il est 41? Ouais, donc on va s'arrêter ici parce que c'est l'heure de la salat. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. Donc c'est ça. Donc on a fini cette section. La section suivante, c'est à propos de Al-Ba'ath Ba'd Al-Maut. Donc ici maintenant, le cheikh, il va commencer à parler des questions qui ont rapport avec la foi en l'au-delà et le jour dernier. Et parmi ces éléments-là, la résurrection après la mort. Donc là, il va parler de cet aspect de la croyance, cet aspect de la aqida, hein, qui est la foi en le ghaib et la résurrection après la mort. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته